Je suis sûr que les extraterrestres ont du bon à nous apporter. Pourquoi tant les abaisser? Bon, lorsque j'ai dit que la planche de salut de l'humain était le phénomène extraterrestre, ça ne voulait pas dire que les extraterrestres n'avaient rien à nous apporter. Ça voulait plutôt dire que la planche de salut de l'humanité était le phénomène extraterrestre. Le problème, c'est que lorsque certains humains ont, comme j'expliquais dans le début de la conférence, ont connu le phénomène extraterrestre comme étant quelque chose de neuf qui devait remplacer chez eux toute la tradition ancienne qu'ils avaient refusée. Parce que vous savez, lorsqu'on évolue, à un moment donné, il y a des choses qui nous puent au nez. Puis quand on a pas mal de choses qui nous puent au nez, on ne croit plus à ceci, plus à cela, on veut plus embarquer là-dedans, ben on attend quelque chose de neuf. Puis tout d'un coup, on tombe sur un livre, puis on parle d'extraterrestres, ben voilà, c'est ça la chose neuve. Puis là, on est prêt à accepter n'importe quoi. Lorsque, après avoir accepté ce n'importe quoi, on entend un conférencier qui dit que le phénomène extraterrestre a besoin de l'homme, eh bien, on arrête là d'écouter, puis là, on mijote. Pendant que le conférencier continue, et l'homme a besoin de l'extraterrestre, mais ça, on n'entend pas. Lorsque je dis l'homme n'est pas de la merde, ah, automatiquement, l'extraterrestre est de la merde. L'extraterrestre est plus évolué que l'homme et il descend, ça, on n'entend pas. Il y a des humains qui sont hautement avancés, d'autres qui ne le sont pas. Ah, non, non, les extraterrestres, il a dit que c'est tout des mauvais. Je suis sûr que les extraterrestres ont du bon à nous apporter, oui. Comme les Américains ont du bon à nous apporter. Comme les Soviétiques ont du bon à nous apporter. Mais il faut tomber sur un bon Américain et sur un bon Soviétique. Parce que sinon, on va se rendre compte qu'ils ont aussi d'autres choses à nous apporter. Bien, c'était une question aussi dans le même sens. J'ai l'impression que vous voulez dire que les extraterrestres ne valent pas mieux que de la merde. Bon, ça dépend évidemment du marché de la merde. On va savoir s'ils valent plus que la merde. Encore une fois, on reste assujetti à ces concepts. Vous savez, lorsque j'ai rencontré pour la première fois une personne qui adorait un certain Dieu que vous n'adorez pas vous autres parce que vous n'en avez pas la tête. Lorsque j'ai rencontré ces personnes et que je leur ai demandé « Votre Dieu, est-ce qu'il est supérieur ou inférieur à l'homme? » Alors, c'était la colère noire dans l'endroit où j'ai été. J'étais jeune à l'époque, je ne voulais pas les mettre en colère. Et lorsque je leur ai dit l'image ici de votre Dieu, j'ai pas pu en dire plus. Ils m'ont sauté dessus me disant que ce n'était pas l'image de leur Dieu, mais que c'était leur Dieu. Alors, je leur ai dit, c'est drôle, moi, je peux marcher, je peux parler, donc je suis supérieur à votre Dieu, parce que lui, il peut pas bouger. Et on a dialogué longtemps comme ça. Il n'y avait rien à faire, il ne pouvait pas comprendre. Et on a fini par dire que Dieu était partout. Alors je disais, Dieu est donc dans l'homme. Non! L'homme est le serviteur de Dieu, mais Dieu n'est pas dans l'homme. Donc Dieu n'est pas partout. Oui! Dieu est partout! Mais il est dans l'homme. Non! Ben, je me suis en allé. Quand on reste pris avec les maudits concepts qu'on a, soit amenés par notre éducation, amenés par la conscience collective, amenés par l'information des livres, de la télévision, d'un peu partout, on ne veut pas accepter rien de neuf qui ne cadre pas avec le vieux qu'on a dans notre caboche. Et ça complique énormément les choses. On ne veut pas accepter le neuf parce qu'on veut que le neuf soit en accord avec le vieux. Alors, si on s'est trompé dans l'Antiquité, ben, il faudra que toute la réalité s'adapte parce qu'on s'est trompé, parce qu'on n'est pas capable de supporter qu'on s'est trompé. C'est facile de dire, faut pas être bien brillant pour dire qu'un jour le Christ, l'intelligence supramentale ou n'importe quoi va revenir, puis comme l'humain ne s'y en attendra pas. Quand même bien compliqué. L'humain, il se fait une idée d'une chose, puis après ça, il s'imagine que la chose va se transformer pour l'humain. C'est quoi la paix? Personne le sait. Tout le monde la recherche. Imaginez-vous. Tout le monde cherche de quoi qu'il connaît pas. C'est quoi Dieu? Tout le monde a son idée. Ah, tout le monde est sûr qu'ils vont le rencontrer. C'est quoi un phénomène extraterrestre? Ben, ceux qui connaissent ça, les jeunes surtout, ceux qui sont dynamisés par quelque chose de neuf et qui étudient ça depuis un bout de temps, amenez-leur rien de neuf. Vous savez que la majorité des personnes qui sont jeunes et qui croient plus facilement au phénomène extraterrestre sont aussi pognées que les personnes les plus âgées que sa planète? Oh, il y avait une conscience à s'ouvrir de quoi de neuf. Ils se sont ouverts 2 secondes, ils ont ramassé ce qu'il y avait à l'époque, puis maintenant ils tiennent dur comme fer. Mais si on leur ramène de quoi d'autre, neuf, non. Plus vieux que les vieux. Ils veulent rien savoir. Mais à un moment donné, il faut rester jeune, c'est-à-dire qu'il faut rester avec une conscience qui s'ouvre. Les extraterrestres, veux-tu dire par là que c'est tout mauvais? Mais tout d'un coup, c'est tout mauvais. On ne faudra pas le dire. Parce que et vous ne pouvez pas le prendre. Fait qu'on va dire, ben non, ils sont tous bons. Puis si un jour ils vous tapent dessus, puis qu'ils vous mettent comme esclaves, ben on dira qu'ils sont encore bons. Les Allemands étaient très bons, les Allemands. Ils voulaient la paix, les Allemands. Puis quand ils amenaient les Juifs dans les camps de concentration, ben ils les amenaient dans les beaux champs, là, tout fleuri. Tu sais, on a passé 30 ans à dire qu'ils étaient pacifiques. On peut pas commencer à dire qu'ils faisaient la guerre. Même s'ils étaient là avec leurs armes, le Gestapo, leur Wehrwacht, toute la gang. Puis quand on les exterminait, les Juifs, ben là, ils comprenaient pas encore. Il y en a qui sont en allés béatement, ils comprenaient pas. C'était bloqué, c'était fait. Alors on a un paquet de jeunes qui, à un moment donné, ont dit, « Voyons là, tout ce que les vieux nous amènent de vraies chenoutes, c'est extraterrestre, ça c'est brillant. Là, on leur amène de quoi de neuf maintenant, ils sont aussi pognés que les autres. » Vous savez, être pogné sur de quoi de vieux ou être pogné sur de quoi de neuf, c'est tant qu'on est pogné, on est pogné pareil. Si je dis que les extraterrestres sont un phénomène qui peut être dangereux, c'est simplement pour ouvrir la conscience de ceux qui s'illusionnent que les extraterrestres, c'est automatiquement bon. Ça ne peut pas être dangereux. Ceux qui ont une foi aveugle, que ce soit dans un crapaud, dans un dieu, dans un extraterrestre, si leur foi les amène vers un mauvais choix, puis qui ont une foi aveugle, ben ils vont toujours rester dedans. Alors, à l'instant où ce qu'on amène de quoi de neuf, faites attention. Oui, oui, oui, oui. Collègue, faites pas attention. Restez dans votre sécurité, refusez le neuf après en avoir accepté une petite part, puis refusez le reste. Celui qui cherche du feu qu'une chandelle, ben s'il saurait c'est quoi le feu, ce serait mieux. Les extraterrestres vont amener à l'humanité ce que l'humanité va amener au plan extraterrestre. Dans l'échange et dans le contact, disons, mutatif entre les deux phénomènes, il y a des humains qui n'auront pas la possibilité, parce qu'ils n'ont pas un corps physique suffisamment solide, pour recevoir ce contact. Eux lutteront contre le phénomène extraterrestre, donc se battront. Du point de vue extraterrestre, est-ce que les humains sont tous bons? Non. Il y en a un paquet qui vont pouvoir être le salut. Il y en a un paquet qui vont lutter contre. Du point de vue de l'homme, il y aura un phénomène extraterrestre, donc de l'esprit, qui entrera en contact avec l'humain, ce que toutes les religions promettent depuis qu'elles sont là. Et permettront à l'humain de devenir ce qu'il doit être. Mais est-ce que tout le phénomène extraterrestre est correct? On a Satan, qui est un phénomène terrestre créé par des mécanismes extraterrestres. On connaît Lucifer. On connaît un paquet d'autres phénomènes prouvant qu'effectivement, il y a des aberrations au niveau extraterrestre. Et ce ne sera pas tous les contactés ou tous les contacts extraterrestres qui seront salutaires pour l'homme. Et comment faire pour les reconnaître? Premièrement, tous ceux qui missionnent l'homme n'ont rien à voir avec l'intelligence extraterrestre. C'est chiant, c'est plate, c'est dommage, parce qu'on est tout fier, tout barbouillé d'enthousiasme quand on est missionné. Ça marche pas comme ça. Les plus hautes instances de l'intelligence ne vont pas rencontrer les plus basses instances de la planète pour leur dire comment gérer la planète. Quand Reagan, quand Mulroney, pays Mulroney depuis qu'il est là, quand les gouverneurs de nos États seront contactés, on se posera d'autres questions. Tant que ça reste tous ceux qui n'ont pas de puissance, qui n'ont pas de pouvoir sur la planète, posez-vous des questions. C'est sûr que c'est beau, c'est sûr que c'est plaisant, ça amène du neuf. On amène le heavy metal, à un moment donné, c'est neuf. Tout à fait diabolique, mais c'est neuf. Et que c'est le fun. À un moment donné, on amène d'autres choses. On veut pas savoir si c'est bon ou mauvais. C'est neuf. C'est automatiquement bon. Les extraterrestres, c'est neuf. C'est pas automatiquement bon. Il y a des choses extrêmement bonnes, rentrez-vous-le dans la tête. Je ne dis pas que le phénomène extraterrestre est mauvais. Je dis simplement que l'être humain doit rester son seul maître, que ce soit devant un Allemand, que ce soit devant un Américain ou un Soviète, ou que ce soit devant un phénomène extraterrestre, vous devez rester vos seuls maîtres. Parce que sinon, vous faites partie de ceux qui vont se ramasser comme esclaves par les autres. Que ce soit Dieu qui vienne vous rencontrer, si vous rampez devant lui, il va vous passer dessus. Et si vous êtes debout devant, il ne peut pas travailler avec. Il n'a pas dit que c'est mauvais. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je crois que tu as dit que tu ne pouvais pas te tromper dans ce que tu dis et que ta conscience instantanée ne peut pas tout te dire pour notre étape d'évolution. Tu te dédies. Bon, premièrement, je n'ai jamais dit ça. Que me dédire, c'est une chose. Ma conscience instantanée, ce n'est pas ma conscience instantanée, c'est un phénomène de conscience instantanée. Ça fonctionne par le biais d'un ajusteur de pensée dans la majorité des cas. Dans la majorité des cas. Et à un moment donné, on absorbe l'ajusteur de pensée, on entre en contact avec son esprit, ce qui fait que ce n'est pas l'homme qui parle, mais l'esprit qui parle. L'esprit qui parle, évidemment, lorsque ça se dit, ça fait chier tous ceux qui se croient médiocres et qui pensent que ça ne devrait pas être. Parce qu'on sait très bien qu'un jour, l'homme devra être puissant. Mais pas avant moi, tu sais, c'est comme ça que tout le monde pense. Tu sais, tout le monde devra être puissant, donc le voisin devra l'être. Oui, mais pas avant moi, parce que s'il l'est, il se prendra un autre. Quand vous allez commencer à devenir puissant, ben là, vous allez être capable de dire, ben oui, il faut que l'humanité devienne puissante. Mais tant que vous n'êtes pas capable, puis il y en a d'autres qui le sont, ben là, on s'organise pour les écraser. C'est le même que l'humanité a toujours fonctionné. Le nivellement par la tête. Bon. Alors, la conscience instantanée, c'est d'intelligence instantanée. Ça fait quoi? Ben, c'est intelligent. Donc, ce n'est pas émotif. Parce que l'émotivité n'est pas intelligente. Les deux peuvent aller ensemble. Mais l'émotivité n'est pas intelligente. L'intelligence n'est pas émotive. Cela veut simplement dire que moi, j'ajuste ce que je dis par rapport à ceux avec qui je parle. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas le dire. Ça veut simplement dire que ça ne doit pas être dit parce que ça serait inécologique. Ça n'a rien à voir à savoir si vous êtes suffisamment prêt ou non. Ça a simplement à savoir qu'il y a des choses qui ne doivent pas être dites. J'ai expliqué souvent que les mécanismes astro, le ciel, les annales akashiques hindous, la matière, ça l'enregistre. Hein? On a les bandes magnétiques, on a les photos, on a les vidéos, ça l'enregistre. Il y a des choses qui ne doivent pas être dites pour la simple raison que ça sert au niveau des plans astro à manipuler les collectivités. Donc, il y a des choses qu'on va dire qui vont simplement servir contre l'homme. On sait très bien en affaires, il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui savent très bien que quand ils ont une idée géniale, ben ils se ferment la boîte. Pourquoi? Parce que s'ils en parlent, ça marche plus. Mais ça marche contre eux autres. C'est pas de la superstition. Il y a des hommes d'affaires qui le savent. Il y en a qui ont perdu assez pour savoir que ferme ta boîte. Quand elle va être matérialisée puis signée, t'en parleras. Avant, non. Vous avez un vœu, on le sait aussi au niveau théologique. Dites-le pas. Dites-le. L'astral est au courant, ça marche contre vous autres, la conscience collective, ça marche contre l'homme. C'est relié au phénomène satanique, de toute façon on va revenir la semaine prochaine. Vous faites un vœu, dites-les, oubliez tout. Le Nazaréen, qu'est-ce qu'il disait? Faites des prières, fermez vos boîtes. Faut pas que personne le sache, ça veut pas dire que c'est pas l'humain qui est le problème. C'est ce qui manipule l'homme qui est le problème. On regarde simplement la manipulation de l'homme. Il y en a suffisamment de manipulation sur la planète sans qu'en plus on aille s'écraser devant le phénomène extraterrestre. Tu sais, on est manipulé par notre propre, disons, contenance planétaire, le monde de la mort, le ciel, le plan astral. Puis en plus, il faudrait qu'on se mette à genoux devant le phénomène extraterrestre. On n'en sortira jamais. L'homme est manipulé, on le force à penser, on le force à parler des choses. Alors à un moment donné, l'homme ne peut pas dire ce qu'il veut dire. Ça, dans le séminaire que je fais, le séminaire sur l'homme nouveau, c'est à peu près juste là-dessus qu'on est là-bas. Pas pour l'apprendre, pour le comprendre. De quelle façon on vous force à dire, on vous niaise. On vous pose des questions, vous ne pouvez pas parler. C'est pas compliqué tellement. On va dire à quelqu'un, tiens, va faire une conférence en avant. Je suis capable de dire un mot dix mots. Pourquoi? Il veut. Pas capable. Non, il parlera pas. Faudra qu'il y ait une maudite puissance pour arriver à parler. Sauf s'il a instruit les plans astro que lui parle. Et là, il va être correct. On va demander à quelqu'un une question particulière, puis il va répondre, ben oui, mais ça, je le sais pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je sais pas, je suis venu à cause que... Pourquoi tu le sais pas, puis tu continues à répondre? La majorité des humains, quand on leur pose une question précise, ils commencent toujours par, ben, je sais pas, c'est à cause que... C'est ça, continuez à vous instruire que vous savez pas. Pas comme ça qu'on finit par savoir. Est-ce que vous êtes heureux? Comme tout le monde. C'est ça. Supportez pas vous autres, comme tout le monde. T'as eu peur hier? Ben, c'est normal. Correct. Oublie tout. C'est normal. Correct. C'est pas l'humain qui répond ça. L'humain est intelligent. On le force à parler. Mais mauditement, l'humain s'identifie toujours à ce qu'il exprime, alors il se dit, je suis de même. C'est ça. Continuez à penser, vous êtes de même. Vous êtes manipulé à faire un pen-pelopi de choses, puis vous identifiez à ce que vous faites. Continuez à le faire. Si j'aurais pas fait ça, il n'y aurait pas eu tel accident. C'est pas toi qui a fait ça. Parce que si t'aurais su tu l'aurais pas fait. Hein? Non. On t'a omnibulé, t'es allé, tu l'as fait. Là, maintenant, tu broyes sur toi parce que tu t'illusionnes que c'est toi qui es le responsable. Enfin, t'es responsable, mais t'es pas coupable. Mais l'humain, c'est pas. L'humain se culpabilise. L'humain pense qu'il est coupable. La majorité des humains sont manipulés par-dessus la tête par les phénomènes astraux, les phénomènes sataniques, entre autres. Tu sais, Satan, ça fait peur. On s'imagine automatiquement, je ne sais quoi, là, de baveux qui vous rentre dans la tête puis qui vient vous faire tourner la tête. Bon, pas ça! Satan, l'atmosphère. Bon, ça, c'est la définition parfaite. Alors, on connaît toutes les guerres, les chicanes de famille, on connaît tous les stress que l'humain a. L'humain est manipulé, mais manipulé, c'est écœurant. À un point tel qu'il s'illusionne qu'il y a un libre-arbitre. Oh, c'est l'humain qui décide de sa vie. Puis tout ce qu'il décide, c'est qu'il n'y arrive pas. Puis il continue à penser que c'est correct. Puis tout ce qu'il veut pas, c'est qu'il arrive. Quand il y a un accident, ben, c'est pas ça qu'il voulait, mais il en a un pareil. Quand il achète un billet, ben, il gagne pas, mais c'est quand même ça qu'il voulait. Oui, l'humain, il y a un libre-arbitre, l'humain. Tout ce qu'il entreprend, ça marche pas. Il y a un libre-arbitre, l'humain. Pourquoi? L'humain continue à penser qu'il en a un, dans une région où il n'y en a pas. On va revenir là-dessus avec de toute façon la semaine prochaine. Chose certaine, tout ce que je veux, c'est que vous compreniez bien. Bon, je crois que tu as dit, continue à croire, que tu ne pouvais pas te tromper. Pas me tromper. Bon, compliqué. Dans ce que tu as dit, que ta conscience instantanée, ce n'est pas ma conscience instantanée, ne peut pas tout dire, ne peut pas tout te dire pour notre étape d'évolution. Comme je répète, ça n'a rien à voir avec votre étape d'évolution. Il y a des choses qui ne doivent pas être dites parce que ça sert contre l'homme. Puis à un moment donné, on doit les dire parce que c'est le temps d'instruire. Pas l'homme. La conscience collective qui régit l'homme. J'ai un de mes amis qui appelle ça le système. Ben, c'est ça la conscience collective. C'est chacun d'entre vous sans être personne individuellement. Et ça manipule tout le monde. Tout le monde va être normal. Tu vas voir un psychologue, t'es malade. Il te dit que t'es normal, t'es correct, t'es content. Ça n'a rien changé, mais t'es normal. T'as un bouton sur le nez, c'est normal ça. C'est, à cet âge-là, c'est normal. Bon, ah ben c'est normal, correct. Là, tu t'en vas, t'es correct, t'es bien. T'as rien changé, mais t'es normal. Et ça, conscience collective, c'est rien, c'est tout. C'est pas palpable, mais ça manipule l'humain. Je te dis souvent que l'humain est manipulé, mais le mot du problème, c'est qu'il n'y a pas de manipulateur. C'est un paradoxe très intéressant, mais ça n'empêche pas que l'humain est manipulé. Alors, rechercher la cause chez lui, il trouve jamais la cause. La rechercher à l'extérieur, il la trouve pas là non plus la cause. Des autres, non. Multiples questions sur la même feuille. Quel degré d'évolution Sainte Thérèse d'Avila a-t-elle atteint? A-t-elle réussi à atteindre l'état de pur esprit? Pourquoi son corps physique ne s'est-il pas décomposé? Cela empêche-t-il son âme de poursuivre son chemin jusqu'au royaume des morts? Bon, premièrement, le fait que le corps ne se décompose pas est un phénomène éthérique, donc les personnes qui ont cette expression corporelle ont effectivement une vibration relativement intéressante au niveau du plan vital, ce qui leur permet de pouvoir se séparer de leur corps, et il y a suffisamment d'énergie vitale matérielle qui va rester au niveau du corps, soit pour le pétrifier, donc l'alchimiser, ou pour le conserver. Ça n'empêche pas, le fait que le corps ne se décompose pas, n'empêche absolument pas l'âme, par le biais de son enveloppe séraphique, le périsprit, de traverser le plan moronciel, le plan de la vie, de rejoindre le monde de la mort et d'y pénétrer. Donc, ça ne change rien. Son évolution était relativement intéressante, mais elle n'était pas de l'esprit pur. Qu'est-ce que la combustion humaine spontanée? Quelles sont les causes et quelles en sont les victimes? La combustion humaine spontanée est un phénomène relativement intéressant qui est causé par une panoplie de circonstances planétaires et humaines, donc planétaires, disons, et astrales, qui doivent se rencontrer dans un temps très particulier pour opérer ce genre de phénomène. Les combustions spontanées, on n'en a pas beaucoup. On en a eu à un moment donné dans l'étape de l'évolution de notre planète et il y en aura évidemment de moins en moins. La combustion spontanée, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ben c'est simplement une personne qui est chez elle ou qui est dans la rue et puis qui à un moment donné brûle, simplement. Elle brûle complètement puis elle disparaît. C'est ça la combustion spontanée. Alors on va retrouver peut-être la moitié de son corps pas brûlé, froid, tout le reste n'est plus là du tout. Ça dégage une température qui peut faire fondre des vitres d'auto, qui peut, en tout cas, c'est assez intéressant comme phénomène au niveau chimique. Et la combustion spontanée n'est pas un phénomène de l'évolution, c'est un phénomène qui est relié à la tellurie de notre planète, à la constitution vitale ou chakrique, enfin yin-yang du corps de l'homme, et au parallélisme des méridiens de notre planète, les méridiens sur lesquels les oiseaux migrateurs vont se brancher justement pour migrer, pour se diriger. Alors, ce serait relativement compliqué à expliquer. C'est un phénomène qui est de moins en moins courant, et qui va de toute façon finir par ne plus être courant, parce que le corps vital de l'homme aura une consonance différente de la tellurie planétaire, ce qui va carrément empêcher ces phénomènes de combustion spontanée. Ça serait très long à expliquer au niveau chimique et physique. Pourquoi le Québec est-il une terre où les courants d'idées évoluent très rapidement, une terre réceptive où les changements détrônent la tradition? Quel est notre rôle à l'échelle mondiale? Sommes-nous ou serons-nous un phare pour l'Amérique, voire même pour l'humanité entière? D'autres contrées ont-elles un rôle similaire? Bon, c'est un phare pour la planète et non pas pour l'Amérique. D'autres contrées n'ont pas le rôle, mais ils ont déjà eu le rôle similaire. Le Québec est traditionnellement, antiquement, épelé K-E-B-E-K, donc Québec d'un sens ou de l'autre. C'est le bouclier canadien, ce n'est pas le Québec politique, c'est le Québec ésotérique. La province de Québec, elle est présentement, évidemment, sur le bouclier canadien. Le Québec est une région qui, telluriquement, donc énergétiquement, est extrêmement puissante. Le Québec fait partie de la première Terre de surface de notre planète. C'est donc la plus vieille Terre de surface. Elle n'a jamais subi ni de cataclysme, ni d'inondation, ni de déluge. C'est la Terre sur laquelle les êtres humains de certaines ethnies raciales à certaines époques, vont se rassembler vers la fin de changement de cycle. C'est donc pourquoi la majorité des personnes qui ont une énergie évolutive migrent vers le Québec, et c'est pourquoi la majorité de ceux qui avaient renaître sont renés au Québec. Les autres vont évidemment s'expatrier. Je parle toujours du Québec ésotérique, donc le bouclier canadien au complet. Cela veut simplement dire que la première Terre à être apparue à l'échelle de notre planète, c'est une Terre qui porte le nom d'Éden, qui porte le nom de Montmérou dans la religion, disons, arienne, qui portent différents noms, et cette Terre, elle a vu l'apparition du premier phénomène extraterrestre humain. Cette Terre, elle a vu l'apparition d'une Terre à côté, dans une Terre parallèle, l'Hyperborée, qui a été, disons, recherchée par Adolf Hitler dans le but d'instaurer son quartier général pour pouvoir relancer la race aryenne, qui est la race indo-européenne, la première sous-race de notre race, la race blanche. Blanche neuronique et non pas blanche physique, ça va de soi. Par la suite, l'Hyperborée a mangé la claque. Disons que c'est comme terre, on a conservé le Greenland, la terre verte qui maintenant a été transformée sur nos cartes par Groenland, la Norvège, la Suède, Terre-Neuve et d'autres parties. Disons que la Lémurie est apparue vers cette époque, la Lémurie est disparue, faisant remonter les Amériques, une partie de l'Europe et l'Atlantide. L'Atlantide s'est enfoncée, finalisant la remontée de l'Europe et du nord de l'Amérique. Le nord de l'Amérique s'est donc greffé, évidemment, au bouclier canadien. Présentement, on arrive vers une autre phase terminale, disons, d'un phénomène racial, c'est-à-dire que on divise ésotériquement l'évolution de l'humanité par différents blocs de races. On est présentement à la cinquième race mère, la race blanche, blanche neuronique et non pas blanche cutanée. Et on s'en va vers la sixième race mère, donc vers, évidemment, la première sous-race de cette race mère, qui sont la majorité des enfants nés depuis 1975, la majorité, mais pas tous. Et présentement, le Québec est cette terre qui a toujours reçu les élus c'est-à-dire les corps physiques les plus évolués de ces différentes, disons, dynasties raciales. Le Québec reste donc telluriquement un endroit privilégié. Il ne bouge pas lors de cataclysmes, il n'est pas inondé. Bref, la vie est belle. Alors, c'est simplement pourquoi que c'est le Québec qui va vivre ces choses-là. Le Québécois est un être médiocre, évidemment, de la misère à accepter que c'est de là que va partir la prochaine religion mentale et que c'est de là aussi que va partir tous les phénomènes de conscientisation au niveau planétaire d'ici quelques 10 ou 20 ans. Mais c'est des choses que le Québécois va s'habituer, évidemment, à supporter parce que c'est ça qui va se passer. Si seuls nous, les humains, sommes appelés à évoluer, quel rôle les extraterrestres ont-ils à jouer au niveau cosmique? Peuvent-ils eux aussi aspirer à une quelconque évolution individuelle? Pourront-ils un jour, eux aussi, dire « je suis »? Bon, alors on va considérer, ouvrez votre conscience un petit peu, on va considérer l'évolution du cosmos, donc l'évolution de la création, d'une façon cosmique. Alors, on n'est plus sur la planète Terre, on se place quelque part dans l'univers, puis on observe cosmiquement. Lorsqu'une branche crée une fleur, la fleur crée, à un moment donné, il y a un pistil, les étamines, ça va créer, à un moment donné, des graines. Lorsque ces graines sont l'arbre, la fleur, ben, lorsqu'à un moment donné, vont tomber, c'est l'involution, n'est-ce pas? Alors, la graine tombe dans le sol, elle doit pourrir dans le sol, et après ça, elle doit remonter. Mais s'il n'y a pas le sol, l'humain, ben, la graine tombe dans l'eau, elle pourrit, elle ne remonte pas. Alors, évidemment, la graine va rechercher la Terre. La Terre, c'est l'homme, et la graine, c'est le phénomène extraterrestre. Bon. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la graine qui tombe dans le sol remonte après en arbre. Ce qui fait qu'au niveau cosmique, il n'y a pas d'involution, il n'y a pas d'évolution, il y a simplement un déplacement. Sauf qu'il y a un déplacement qui se fait dans un sens vibratoire, un ralentissement vibratoire, dont la vapeur d'eau devient de l'eau, elle devient de la glace. Et il y a un déplacement qui se fait dans un sens opposé, la glace devient de l'eau, elle devient de la vapeur d'eau, et elle devient, des atomes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on va dans une direction, on va remonter dans l'autre après. Donc, le phénomène extraterrestre est exactement dans le même chemin évolutif que l'homme, c'est-à-dire, il devra travailler à l'arrêt de l'évolution expansive de notre univers, de façon à ce qu'un jour tout soit réintégré comme cela était à l'origine. Mais ça va se faire dans quelques milliards d'années terrestres. Alors, on en parlera dans ce temps-là. Sauf que pour l'instant, ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que le phénomène extraterrestre descend et remonte. L'homme a descendu et remonte. Donc, effectivement, tout pourra un jour être. Avant d'être, ils vont passer par la phase un peu plus inférieure où ils pourront dire « je suis ». À un moment donné, ils n'auront plus besoin de le dire. Hein. Quand on est, on ne le dit pas. Bon. Pourquoi sommes-nous la seule planète à évoluer à contre-courant de toutes les autres planètes? Quelle est l'utilité d'être unique? Bon, il n'y a pas d'utilité à être unique. Une chose est certaine, c'est que l'être humain est... Vous savez ce que ça donne? On prend un noyau d'atome, ou disons un atome, et puis on le fissure, et puis on crée de l'énergie pour faire marcher la ville de Montréal pendant une nuit. Alors, si on prend vos corps physiques avec la myriade d'atomes qu'il y a là-dedans, et que si on brise tout ça, savez-vous ce qu'on fait? On prend un corps humain, puis on bousille la planète. Si on pourrait faire une fission fission atomique de toutes les molécules qui constituent tous les atomes qui constituent votre corps. Alors, l'être humain, même s'il est densifié, lorsqu'il sera plus grand, disons que théologiquement et chimiquement, on dit lorsque l'être humain sera lumière. Mais il y en aura d'énergie là-dedans, ça va supporter plusieurs planètes. Alors, à quoi ça sert de faire en sorte que le phénomène... Bon, premièrement, faut comprendre que l'explosion de notre création, ce que la théologie appelle la création, quoique la Genèse, elle, parle surtout de la création de la terre et du ciel en même temps, qui est un phénomène qui a été créé après, évidemment, le phénomène de la création. Alors, si on comprend le phénomène expansif de cette création, il y a, évidemment, des régions qui seront les premières, les plus denses, dont la Terre. Alors, on n'a pas été créé unique, c'est un phénomène mécanique. Exactement comme la graine qui tombe sur la terre, elle pousse. Est-ce qu'elle a été choisie par quelconque? Non, il fallait qu'une graine, des graines tombaient, puis une qui est tombée là, puis ça a poussé. Alors, elle n'est pas privilégiaire. Elle est unique. Mais être unique, c'est pas être privilégié. Nous, on est unique, puis on est les seuls cons qui a mangé tout ce qu'il a à manger, et puis maintenant, on va aller empêcher ceux qui descendent, comme on a descendu, de descendre où on a descendu. Donc, ils ne viendront jamais hommes des cavernes. Ils n'auront jamais besoin de se battre contre des dinosaures. Ils n'auront jamais besoin de se battre entre eux. Ils n'auront pas besoin d'inventer le feu. Ils n'auront pas besoin d'inventer la roue. Ils n'auront pas besoin de se faire écraser par la roue une fois qu'ils l'ont inventé. Puis ils n'auront pas besoin de vivre tous les problèmes que l'humanité a vécu. On est unique. On n'est pas privilégié. Il y a une différence. Est-ce que le cycle évolution-involution est infini? C'est-à-dire non, que non. Les extraterrestres, une fois densifiés, réévolueront et que réévolueront et que les humains arrivés au sommet recommenceront à redescendre de nouveau. C'est ça. Les hindous ont inventé la technique du moteur à piston bien avant qu'on invente le moteur. Vous savez, pendant qu'un piston monte, l'autre descend. Ça, le moteur, hein? Ça marche comme ça. Bon. Alors, le phénomène hindou, le phénomène arien, la race arienne a été conduite par Ram et donc Rama. Alors, eux autres ont conceptualisé l'idée, justement, que tout était cyclique pour la simple raison que le contact qu'ils avaient intuitivement avec l'intelligence supramentale, donc avec leur esprit, les a instruits d'un phénomène d'évolution, évolution, évolution, évolution. Elle ne se passe pas tout à fait comme ça. Non. L'humanité, présentement, approche le contexte planétaire. Vous savez que la création, c'est mauditement plus vieux que la science peut l'imaginer. Bon. Alors, présentement, on est presque à la fin de cette expansion de notre univers et on va recommencer la phase d'évolution. Autrement dit, depuis le début de la création, il n'y a eu qu'évolution. Et prochainement, on va commencer la phase d'évolution et ça marche pas avec descend, monter. On va évoluer et tout va se restaurer comme cela était. Un jour, on va faire une conférence juste sur ce phénomène de création et de reconstitution des choses telles qu'elles étaient à l'origine. Pas pour l'instant, parce que, ce n'est pas le temps, on a d'autres conférences à faire avant, mais il faut bien comprendre que le phénomène de piston ou le phénomène, disons, d'évolution des quatre cycles de la race arienne, donc du phénomène hindou, n'est pas tout à fait en accord avec la réalité de l'évolution des humanités. Qui est Horton et quel est son rôle dans le cosmos? Bon, Horton, comme plusieurs, sont des personnalités conceptuelles, c'est-à-dire que ce sont des concepts que nous avons, enfin, qui ont été donnés à l'homme par rapport à un phénomène énergétique qui existe au niveau de l'univers et qui a une altérance, donc, qui est capable de motiver certaines choses au niveau de l'évolution mécanique de notre planète. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce, on ne peut pas, même si on a personnifié certaines formes d'énergie en leur donnant des noms, comme Orton et comme d'autres, on ne doit pas comprendre, on ne doit pas continuer à gober l'idée que ce sont des personnalités. C'est exactement comme si on prenait une, par exemple, la vibration de l'hélium et qu'on lui donnait un nom. Et là, on va dire, Orton permet de voir à l'intérieur des corps. Ah bon, il est fin, Orton. Non, c'est pas ça, là. C'est que si tu peux pas comprendre le rayonnement, le rayon X, ces choses-là, si tu expliques ça à un enfant, ou si tu expliques ça à une personne, disons, du 16e siècle, ben, elle pourra pas comprendre, elle pourra pas le gober. Alors, on met un nom. Ah, là, ça crée une forme dans laquelle elle peut ramasser l'idée, puis là, elle va pouvoir en parler, puis comprendre un peu plus. Le phénomène d'Orton et de tout d'autres, il y a beaucoup d'autres noms qui ont été donnés à un moment donné par l'intelligence à certains humains sur la planète de façon à instruire l'humain et l'astral surtout. Et ce sont des concepts qui ont été donnés de façon à pouvoir créer une forme permettant à la conscience de l'homme de pouvoir travailler avec ces choses-là. Alors, qui est Orton? Un concept qui désigne un phénomène énergétique, cosmique, qui existe, mais qui ne peut pas être considéré comme étant une personnalité. Est-ce qu'un extraterrestre peut nous obliger à le suivre, même si nous ne sommes contre? Ben, c'est évident que si tu t'attaches avec des chaînes puis tu traînes avec un bulldozer, il faudrait être fort. Si vous êtes suffisamment vos maîtres, il n'y a pas un seul extraterrestre matérialisé qui va venir apparaître devant vous. Vous suivez contre votre volonté si vous êtes de type disons, extrêmement sensible, facilement influençable, facilement hypnotisable, alcoolique, drogué. Enfin, il y a plusieurs phénomènes qui peuvent faire en sorte qu'à un moment donné, certains humains sont plus facilement, disons, manipulables. Mais, faut pas s'en faire. Une chose est certaine, c'est que si vous restez debout puis que vous êtes pas trop impressionné, ben, il y a aucun problème, ça va disparaître vite parce que si vous êtes pas impressionné, l'extraterrestre s'attend bien gros à ce que l'être humain soit impressionné. Enfin, cette forme d'extraterrestre, si vous ne l'êtes pas, lui va l'être. Alors, il va sacrer son cas. L'Aïétis, c'est quoi? Et cela, et que sont-ils devenus? Bon, on a déjà parlé un peu de ce phénomène, le phénomène des Migou, des Sasquatch, des Yeti, l'abominable homme des neiges. Maintenant que la femme est libérée, l'abominable femme des neiges. Aussi. On va revenir en conférence plus tard sur cette mécanicité, mais on peut comprendre une chose immédiatement, une chose qui va vous amuser un peu, qui va faire frémir certains, puis qui va faire en sorte que ceux qui me prennent pour un fou vont me prendre carrément plus pour un fou. Enfin, ils vont être certains maintenant. Il y a eu, il y a très, très, très, très longtemps, un phénomène extraterrestre, donc un phénomène énergétique, parce qu'il faut qu'on comprenne que l'extraterrestre est un phénomène énergétique qui, dans le contexte de notre planète, se densifie sous certaines formes. Lorsqu'il y a eu le premier contact avec l'humanité, ça l'a permis génétiquement d'engendrer l'homme tel qu'on le connaît, c'est-à-dire de laisser une trace d'énergétique d'évolution dans l'homme, donc d'engendrer l'âme. Et une fois que l'âme est venue dans l'homme, il y a eu l'ego et il y a eu l'homme tel qu'on le connaît avec sa panoplie d'émotions et cet assujettissement au monde de la mort. Beaucoup plus tard, il y a un phénomène extraterrestre encore une fois qui est venu et qui a essayé de s'allier à l'homme. Ça n'a pas fonctionné et ça l'a créé d'autres formes d'animalité que nous connaissons sur le plan planétaire qui ne sont pas humaines, mais qui sont, disons, aquatiques. Par après, on a eu encore une fois ce même phénomène et l'humain n'était pas prêt à recevoir quoi que ce soit parce qu'il faut comprendre que la planète Terre ainsi que son Soleil voyage dans notre galaxie, que notre galaxie voyage dans notre univers, que notre univers voyage dans notre super-univers et que celui-ci est en déplacement dans la création. Alors, de temps en temps, on traverse des faisceaux énergétiques qui sont beaucoup plus denses. Depuis 1969, on a pénétré un très grand faisceau qui va être de plus en plus accentué jusqu'en 1999. 87, d'ailleurs, voit une augmentation de cette consonance énergétique et on va aller en augmentant. Alors, lorsqu'on a traversé un deuxième faisceau à un moment donné, la cristallisation matérielle a créé un autre phénomène aquatique. Et on a eu, à un moment donné, un autre phénomène qui a été créé qui n'a pas été aquatique. Alors, il y a des trucs dans le genre, n'est-ce pas, qui ressemblent au phénomène de Yeti. On a les dauphins qu'on connaît bien, on a les requins qu'on connaît bien, et enfin, il y a d'autres phénomènes dans le genre sur lesquels on va revenir un peu plus tard. Alors, les Yeti, il y en existe présentement au Canada. On les appelle Sasquatch, sur le bouclier canadien. Il y en existe dans l'Himalaya. Il y en existe partout où il y a des bouches terrestres, c'est-à-dire là où l'énergie tellurique est extrêmement puissante, et là où on a toujours vu aussi l'apparition d'une science ésotérique ou d'une science théologique, d'une science évolutive extrêmement accentuée. Il en existe aussi en Amazonie, puis il en existe donc à quelques places sur la planète où il se cache toujours près de certaines bouches de la planète Terre, donc des grottes et des tunnels relativement intéressants. Ça intéresserait Jules Verne, en tout cas, de savoir si ces tunnels existent. Est-ce que le séminaire PMC1 a un rapport avec cette énergie extraterrestre ou les extraterrestres? Bon, le séminaire PMC1, premièrement, on ne vous présente pas d'extraterrestres. Bon, le séminaire PMC1, c'est donc le séminaire sur l'homme nouveau. Il n'a qu'une seule fonction, c'est-à-dire qu'un seul but. Celui d'instruire de façon compréhensive, donc d'énergiser suffisamment celui qui le fait, à cette facette de la manipulation de sa pensée. Le but primaire, c'est que l'être humain doit être son seul maître. Et ce n'est pas le cas. Même si l'humain se croit être son seul maître, ce n'est pas le cas. Son seul maître ne veut pas dire que quand il décide de traverser la rue, il traverse la rue puis les chars arrêtent. Ça, c'est le seul con. C'est pas le seul maître. Comprendre? Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il se lève et qu'il ne fait pas la température qu'il veut, il n'y a rien qui le manipule à changer son humeur. Que lorsqu'il n'y a rien à faire, qu'il est assis, qu'apparemment c'est plate pour les autres, ben c'est pas une condition comme ça qui va le changer lui. Il est son seul maître. Alors c'est la condition intérieure qu'il va vivre, c'est lui qui l'orchestre. Il n'est plus assujetti à l'orchestration extérieure. Alors, ça ne règle pas les problèmes de l'humanité, le PMC1, sauf que ça énergise suffisamment à l'humain pour qu'il prenne conscience, qu'il sache. Pas qu'il apprenne, qu'il sache. Pas qu'il connaisse, qu'il sache. Qu'est-ce que c'est que la manipulation? Puis qu'il puisse l'observer chez lui quand elle arrive, de façon à y faire, disons, à y résister, pour que lui puisse maintenant s'en aller vers ce cheminement d'être son seul maître. L'humain ne doit pas être assujetti à un maître, à un guide, à quelque chose dans le genre, ou encore moins un extraterrestre. L'humain doit se prendre en main, et l'humain doit finir par être capable de savoir lorsque c'est lui qui pense, ou lorsque l'on pense dans sa tête, lorsqu'il pense qu'il pense. Que penses-tu de ceci? Oh, ben, c'est pas trop, moi je pense que ça a bien de l'allure. Ben, pourquoi ça a de l'allure? Bon, je sais pas, tout le monde dit, c'est écrit dans le journal, ben non, tu répètes ce que professeur Machin a dit avant, ou tu répètes ce que Daniel Kemp a dit, tu sais, mais tout ce pas, tu sais, c'est... Tout le monde a applaudi, la conférence était bonne. Personne n'a applaudi, la conférence était plate. Mais toi, tout seul, peux-tu savoir comment c'était? Enfin, le PMC1, le séminaire sur l'homme nouveau, femme nouvelle, est exclusivement axé à ça. On vous apprend pas, non, on vous le fait vivre, vous devez le comprendre. Puis quand c'est compris, ben, c'est intéressant. C'est assez intéressant. Ceux qui survivent normalement, là, pas mal correct. Mais jusqu'à date, tout le monde y survit, c'est pas pire. La première journée est un peu dure, mais la deuxième, on rit comme des fous. Est-ce que la science dont tu parles peut ou pourra un jour régler ou remplir les vides et les inconnus de la science d'aujourd'hui? Est-ce déjà arrivé? Bon, il faut comprendre que la science d'aujourd'hui est l'accumulation de l'ignorance coordonnée de l'homme. C'est ça, la science d'aujourd'hui. La science permet de savoir tout ce qu'on ne sait pas. Alors, elle dit, bon, si on sait ça, ça veut dire que tout le reste, on le sait pas. C'est ça, la science. Bon. La science, le savoir instantané, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la science cumulative, coordonnée de l'ignorance de l'homme. Le savoir instantané, c'est simplement ceci. Vous êtes quelque part, vous avez faim, il y a deux champignons, alors vous prenez le comestible et vous le bouffez. Ça, c'est intelligent, c'est simple. Et le scientifique, l'intellectuel, l'humain normal, l'homme ancien, assujetti à ses mémoires, ben lui, il va regarder deux champignons, puis s'il n'a pas appris, il ne pourra pas savoir. Alors, il va se risquer. S'ils sont deux, c'est pas pire. L'un va mourir, l'autre, il va vivre. Là, il va apprendre. Alors, ça n'a rien à voir avec le phénomène scientifique, c'est-à-dire le savoir instantané amène à l'homme le savoir, donc l'homme sait ce qu'il a à savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. À l'instant où il a bouffé le champignon, il ne sait plus lequel qui est bon. Il n'a pas besoin de le savoir, parce que quand il va avoir encore faim, ben il va encore prendre le bon. On a besoin de savoir. C'est ça, le savoir instantané. Alors, on a des grands-mères dans l'Antiquité ou des mères qui, à un moment donné, bon, il y avait telle maladie, ben, il allait dehors, puis il ramassait trois ou quatre conneries, puis il donnait ça, puis ça guérissait. Mais ça ne va pas, elle n'a pas appris. On a bâti la médecine de même. Mais à l'instant où on a commencé à l'analyser scientifiquement, ben on a dit que toutes les grands-mères étaient toutes des charlatans. Il n'y a pas de diplôme. Fait que les médecins, eux autres, sont diplômés pour essayer de vous guérir, puis c'est correct qu'il manque le coup. La médecine ne peut pas faire de miracles. Mais les grands-mères en faisaient, mais sont illégales. Alors maintenant, on a plein de charlatans, on a plein de ceci, on a plein de cela. Mais le savoir instantané, inconsciemment, était l'apanage de l'Antiquité. C'est ça qui a permis à l'humanité de bâtir une science, à un moment donné. Mais maintenant qu'on a une science, on ne fait référence qu'à cette mémoire, la science. Alors on coupe le contact avec l'intuition. C'est pas analytique. C'est pas statistique. Alors ça peut pas être ça. La science, le savoir instantané, ça n'a absolument rien à voir avec la science sur la connaissance de l'humanité. C'est tout à fait différent. Alors on n'aura pas de bibliothèque. Vous embarquez dans un auto, vous l'allumez, vous en allez. Vous embarquez dans un avion, vous partez, vous checkez bébelle, puis vous partez. C'est mauditement plus intelligent, mauditement plus simple. C'est ça, l'homme nouveau. Et c'est sûr que pour l'homme ancien, c'est encore un peu frustrant. D'ailleurs, je dois remarquer qu'il y a plusieurs choses que certains personnages qui sont en transition vers l'homme nouveau font et qui de plus en plus frustrent. Vous demandez à un enfant de quelques années, « Pourquoi tu veux pas apprendre ta géographie? » « Mais ton rieux, je voyage pas! » C'est ça, savoir instantané. C'est quoi l'intelligence d'apprendre de quoi pour rien, pour le mémoriser? « Oui, mais un jour, tu n'auras besoin. Mais sacrable, un jour, j'apprendrai la géographie. » Moi, j'ai pas connu tous les pays que j'ai visités. Je les ai connus quand? Deux semaines avant de partir. Puis j'ai fouillé quelques cartes après ça. Ben, c'était correct, c'est suffisant. Ça faisait rien qu'à rassurer mon égo à l'époque où je voyageais, en 76 et 77. Puis rendu sur le pays, ben là, je me promenais, puis à un moment donné, ben, on se rend compte, t'as dit, ici, il y a telle chose. Tu vois, ouais, c'est ça. Puis arrête de te surprendre. Hey, ça marche, wow! Ben là, tu te découpes, là, tu te déconnectes complètement, puis là, t'as l'air d'un fiefé niaiseux. Ça a marché une fois, t'es sûr. Puis là, tu veux avoir la même chose. Tu l'auras pas, t'es pas le même. T'es pas dans la même circonstance, t'es pas dans le même état. Alors, le savoir instantané, c'est tout à fait un phénomène qui est naturel et normal, et qui, pour la science, est partie du paranormal. La science, elle est paranaturelle. Le monde matériel est-il une seule entité avec une conscience localisée dans une seule de ses parties? Bon, la conscience de la matière, c'est la conscience de l'homme. Parce que la matière supporte la conscience de l'homme et la conscience de l'homme, c'est la conscience qui est supportée par la matière. Alors, faut pas penser que le verre ici a une conscience. Le verre n'a pas de conscience. Quand j'aurai bouffé le verre aura une conscience. Puis quand je l'aurai fait sortir, il n'y aura plus de conscience non plus. Mais étant donné que l'humanité meurt, va dans le monde de la mort qui est le ciel entourant notre planète, ben évidemment, l'évolution de notre planète au complet, elle est l'évolution de l'humanité au complet. Donc, la conscience de la matière, c'est la conscience de l'homme. Et c'est d'ailleurs la raison mère du pourquoi de l'homme sur la planète. C'est le seul véhicule expérientiel qui permet à la matière de rejoindre les phénomènes intelligents sans que l'intelligence devienne matière et sans que la matière soit bousillée par le contact avec l'intelligence. Ben, c'est l'homme. L'homme, il peut faire ça. La souffrance est-elle notre seul moteur? La souffrance est le moteur de l'homme ancien. C'est le moteur de la personne transitive. Ce n'est pas le moteur de l'homme nouveau. La souffrance, c'est simplement que... La souffrance, c'est la conséquentialité d'un acte mal conséquentialisé, d'un acte inécologique. Alors, si la personne ne souffre pas et qu'elle n'a pas l'intelligence de faire les choses qui doivent être faites, elle ne fera rien. Si elle souffre, vu qu'elle n'a pas l'intelligence de comprendre ce qu'elle doit faire, bien, elle va le faire parce qu'elle n'a pas le choix. On va voir le dentiste quand on a mal aux dents. On va se faire opérer quand on a là. Bon, mal quelque part. On va changer les... on va faire réparer l'auto souvent quand ça marche plus. On met les pneus d'hiver quand on a glissé pas mal sans neige. Bon. Alors, il y a donc une souffrance qui oblige l'humain à avancer. La guerre, ça a toujours été utile pour l'humanité. La paix aussi, parce que la paix, c'est une guerre pour les guerriers. Et la guerre, ben, c'est une guerre pour les pacifistes. Alors, évidemment, chacun a sa guerre. Parce que le guerrier, il se bat maudit pas dans la paix. Il essaye de... Bon, il se bat contre lui-même, parce que lui, il aimerait mieux se battre contre les autres. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que placer un individu dans un paradis terrestre, un individu actuel, un homme ancien, un homme transitif, un humain, placez-le dans un contexte paradisiaque où tout est parfait, tout est là, il peut flotter dans les airs, il a soif, il a plus soif, bon... ben non, ça tente de boire pareil pour triper gustativement, ben ça apparaît. Puis il peut boire tant qu'il veut, ça ne va pas. Il peut manger. Enfin, tout est parfait. Est-ce qu'il va vouloir évoluer? Ben non, tout est que de Dieu. Qu'est-ce que l'humain se plaint le plus quand on lui parle du ciel? Pour sa vie à jouer de la harpe, c'est un nuage, pas tirer à la chaîne pour arroser le jardin. L'humain, ça va être plate en sacrébleu. Ben c'est ça. Ça se passe pas comme ça. le phénomène de l'évolution est un phénomène qui est ascendant, et puis l'humain doit donc toujours être placé dans un contexte où, s'il n'a pas l'intelligence d'agir, eh bien, évidemment, sa cristallisation, le fait qu'il n'agit pas, le fait qu'il devient stagnant, tandis que la vie continue à avancer, ça le fait traîner, il fait sur le parquet, puis ça n'appelle ça la souffrance. Lorsque l'humain devient intelligent, donc pas connaissant, pas intellectuant, mais lorsque l'humain est capable de projeter dans l'avenir ou avoir disons, une préscience, une vue des futurs possibles, il pourra choisir le chemin le plus conséquentiel et là, il pourra embarquer dans ce chemin. L'être humain va devenir automatiquement un être écologique et il sera conséquentiel. Lorsqu'une chose doit être faite, on la fait. Donc, la souffrance disparaît de par elle-même parce qu'elle ne peut plus exister mécaniquement. L'homme nouveau ne peut pas souffrir. Il agit. L'homme ancien, lui, agit parce qu'il souffre. L'humain évolue parce qu'il est écœuré d'avoir peur, parce qu'il est écœuré de souffrir. Il évolue pas parce qu'il envoie l'intelligence. À un moment donné, l'humanité va avoir l'intelligence de l'évolution améliorative, de l'entretien physique, par exemple. Il fera pas de l'exercice parce qu'il n'y a pas le choix. Il va en faire parce qu'il comprend l'intelligence d'en faire. Donc, il en fera pas parce qu'il va souffrir, etc., etc. La souffrance n'est pas le seul moteur que nous avons. Au niveau de la conscience archaïque de l'homme ancien, c'est le seul moteur. Il est inconditionnel et il n'est pas manipulable par l'humain. Lorsque l'humain devient suffisamment conséquentiel, il fait ce qu'il a à faire et la souffrance, elle disparaît, elle n'a plus de raison d'être. Un être humain incomplètement conscient peut-il avoir une raison réaliste de désirer évoluer? Peut-on désirer et être totalement conscient? C'est bien. Peut-on désirer et être totalement conscient? Non. Bon. Un être humain incomplètement conscient peut-il avoir une raison réaliste de désirer évoluer? C'est génial comme question. La personne, de toute façon, elle répond même à ces questions. C'est bien. Un être humain complètement conscient peut-il avoir une raison réaliste de désir évoluer? C'est sûr qu'un être humain complètement conscient désire évoluer, parce qu'il souffre. Mais est-ce qu'il peut avoir un désir réaliste d'évoluer? Autrement dit, est-ce que ça sert à quoi de vouloir évoluer? Est-ce que c'est lui qui va mener son évolution? L'évolution n'est pas manipulée par l'humain. L'évolution n'est pas du ressort de l'homme. C'est extrêmement plate, mais c'est un fait. L'évolution n'est pas du ressort de l'homme. Alors, de fait de désirer vouloir évoluer, ça va te changer quelque chose. Oui. C'est original. Vous avez tous un ego. Vous avez donc tous un phénomène mémoriel qui a été constitué par votre éducation, un peu par le legs génétique et par toute l'expérience de votre vie. C'est votre ego. Qui baigne dans des mémoires volatiles qui sont dans votre âme. Bon, une chose. Ce qui arrive, c'est qu'il y a d'autres phénomènes chez vous beaucoup plus énergétiques, comme le plan mental. L'intellect lorsqu'il reste assujetti au phénomène égoïque, donc à l'émotion. Et le phénomène supramental qui de plus en plus tend à s'instaurer dans la conscience des Québécois. Le problème, c'est que l'ego est le seul maître à bord pour l'instant. Et lui, étant mémoriel, ne peut pas rien envisager de neuf. Tout ce qui est neuf, il le refuse parce que c'est insécure pour lui. Ça le fait travailler, ça le heurte, ça le choque. Alors le fait de désirer évoluer, c'est exactement comme si on instruisait notre ego de la probabilité ou de la possibilité que si lui libère notre possibilité, disons, d'évolution, ben que lui puisse s'améliorer. C'est-à-dire qu'en réalité, que lui puisse être un peu plus sécur. Or, le fait de désirer évoluer est un mécanisme extrêmement égoïque et donc qui est de l'instruction au niveau de l'ego. C'est comme la foi, c'est comme la croyance. C'est absolument génial parce que l'ego ne vous laissera jamais évoluer si vous lui refusez de croire que ça peut, que ça se peut l'évolution. Si l'ego pense que l'évolution se peut pas, ben évidemment, votre phénomène mental, n'importe quoi chez vous ne pourra pas s'arranger. Exactement comme le corps physique va se guérir tout seul. Mais si votre ego est convaincu qu'il guérira pas, il va s'organiser, puis c'est comme celui qui est le maître contrôleur à bord, ça va être long en maudit avant que vous arriviez à guérir. Faudra qu'on vous assomme pour vous guérir. Alors si on convainc l'ego que ça se peut la guérison, aie confiance au médecin, ou aie confiance au thérapeute, ou aie confiance à toi-même, ben là évidemment il y a des fortes possibilités que le corps guérisse. C'est le même phénomène pour l'évolution. Alors y a-t-il une raison, disons, réaliste de désirer évoluer? Oui, parce que ça va vous permettre de maintenant libérer votre intuition. J'ai l'intuition que telle chose, ou bien non, que je devrais aller telle place ce soir, ou écouter telle chose, ou acheter tel livre, ou simplement aller dans telle soirée. Mais si tu n'es pas déjà en désir d'évolution, l'ego coupe tout, ce qui fait que l'intuition, tu n'en as pas, puis tu écoutes ta musique à la place, tu veux rien savoir. Alors, le désir, c'est un phénomène intéressant au niveau de l'instruction de l'ego. Si l'esprit gère à l'insu de l'homme ses actions, ses émotions, aussi brutes soient-elles, tripote l'âme pour créer des désirs sexuels, de ne pas vouloir mourir, vouloir être heureux et souffrir, alors est-ce un viol? J'ai pas d'autre terme. Le terme est bon, il y a qu'un terme qui est pas bon. Si l'esprit gère, tout ce qui est énuméré ici n'est pas géré par l'esprit, mais géré par les forces astrales, sujet sur lequel nous revenons la semaine prochaine. Alors donc, si l'esprit gère, donc si le phénomène astral ou si les phénomènes sataniques, Satan, c'est un terme qui est original, parce que quand on parle des phénomènes sataniques, tout le monde, oui, Satan, là, tu sais que je ne sais pas. Bon, on va appeler ça l'astral d'abord, mais ce que Satan désignait dans l'Antiquité, c'est exactement le phénomène astral, la conscience collective. Alors, si l'esprit, donc, non, si Satan, ou enfin, si le phénomène collectif, si l'astral planétaire, si le ciel, si la mémoire collective gère à l'insu de l'homme ses actions, ses émotions, aussi brutes soient-ils, tripotent l'âme pour créer des désirs sexuels, de ne pas vouloir mourir, vouloir être heureux et souffrir, alors est-ce un viol? Effectivement, l'homme est continuellement violé au niveau de sa conscience par la conscience collective, étant donné que l'homme est un être collectif qui s'identifie à ce qui se passe chez lui. Quand vous dormez, puis qu'on vous viole toute la nuit, qu'on vous charrie toute la nuit dans des rêves absolument absurdes, vous appelez ça quoi? Mais quand vous rêvez, à un moment donné, ça marche mal. Ben, vous changez le rêve, puis vous faites d'autres choses qui marchent bien. Bon, là, c'est intéressant. Moi, ça m'arrive des mois de temps de rêver à la même chose. Moi, c'est quand j'ai une grosse machine qui rentre dans un glacier, puis j'explore l'Alaska, puis d'autres places. Ça permet à mon ego de s'amuser. Puis tous les jours, tous les nuits, j'améliore la machine. Puis quand je rentre dedans, c'est parfait. Je l'ai fait visiter l'autre fois. Puis quand je suis tanné de jouer à ce jeu-là, ben là, j'invente un autre bébelle. Ou ben non, je fais d'autres choses pour plaire à mon ego. Mais la majorité des humains, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils s'endorment, puis là, ils se font charrier toute la nuit. Puis il y en a plusieurs qui s'en rappellent pas. C'est parce que vous en rappelez pas. Vous avez été violé pareil. Mais au cours de la journée, tout va bien. Vous regardez le journal, puis là, vous voyez quelque chose, une annonce, une nouvelle, quelque chose. Puis là, tout est fait. Là, ça va plus, ça vient de passer là, puis bon, c'est ça, manipulation. C'est qui est le maître? À un moment donné, vous êtes quelque part, puis quelqu'un vous marche les pieds. Là, vous venez bleu, ben raide. Là, vous criez. Mais où c'est que vous êtes pendant ce temps-là, vous autres, pendant qu'il y a quelqu'un qui crie chez vous? Vous êtes pas là, vous contrôlez plus rien. Vous êtes où? Ben, c'est ça. C'est pas l'esprit qui fait ça. Mais c'est le phénomène sur lequel on va venir la semaine prochaine. C'est pas l'esprit. L'esprit ne manipule pas comme ça. L'esprit, par contre, ne peut pas venir aider l'homme. Pourquoi? Parce que tant que l'homme n'a pas une hauteur vibratoire suffisante pour recevoir l'esprit en conservant l'intelligence de l'esprit, et c'est vers ce vers quoi on s'en va, ben évidemment, l'esprit ne peut pas toucher l'homme. Alors, à un moment donné, il y a un corps physique suffisamment évolué qui rentre en contact, l'esprit parle par lui. Ça a été le cas de Moïse, d'Abraham, du Nazaréen, de quelques autres. Mais ce n'est pas le cas de la collectivité. Plus l'évolution de l'humanité avance, plus l'humain va aller à la rencontre de son esprit. Et là, évidemment, il y a des choses qui vont se passer. Mais en attendant, l'être humain reste tout à fait assujetti à la conscience collective, parce que s'il n'y aurait pas cette conscience collective, l'humain ne pouvait entrer en contact avec la conscience réelle de son esprit, ben, l'humain ne pourrait même pas vivre. Sauf qu'à un moment donné, à l'étape où on est rendu, ben, il est temps qu'on comprenne un peu les mécanismes de la conscience collective. Alors, c'est le phénomène du séminaire sur l'homme nouveau, puis c'est aussi ce sur lequel on va venir, sur quoi on va revenir la semaine prochaine. L'évolution a-t-elle une fin? Et quand l'être humain aura fini d'évoluer, devra-t-il réévoluer? Est-ce un cycle sans fin? C'est la même question pistonneuse que tout à l'heure. C'est oui, à quoi servent toutes ces évolutions? Ces évolutions et involutions qui occasionnent tant de souffrance. Bon, c'est intéressant les questions qui sont posées, parce qu'elles sont posées, c'est la preuve déjà qu'il y a une expansion de conscience chez les individus. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a certaines questions qui demandent une réponse qui, normalement, devrait échapper à cette conscience. La conscience n'est pas encore assez grande. L'humanité évolue, c'est-à-dire involue, pour, à un moment donné, remonter. C'est l'évolution. Sauf que, où ça finit et comment ça finit? Dans l'Antiquité, on parlait du bonhomme, de l'ange avec la harpe sur un nuage. Bon. Un peu plus tard, on a parlé d'une espèce de lueur vaporeuse où ce que les personnes allaient, puis on jouait au golf, puis quand elle allait en enfer, ben, il y avait aussi un terrain de golf, mais il n'y avait pas de balle. Bon. Alors, on essaie de conceptualiser des choses comme ça. Pour toujours essayer, parce que j'ai expliqué au début de la conférence, c'est que l'humain connaît le reste en comparaison avec ce qu'il vit. Alors, s'il n'y a pas de reste perceptible, il va le créer à partir de ce qu'il vit. Alors, il y a un phénomène sur lequel on va revenir à un moment donné, au cours de 87, qui est justement, qu'est-ce que c'est que l'aboutissement de l'évolution, pas de l'humanité. L'humanité, on va en parler aussi au cours de 87. Mais l'évolution finale de notre création. À un moment donné, c'était là, puis à un moment donné, il ne sera plus là. C'est ce que les théologies appellent le retour vers la création, ou vers le créateur. Alors, il y a des phénomènes qui échappent. On a une question ici, je vais répondre comme ça, mais on va y revenir. Il y a un endroit qui n'est pas, qui est spatial, qui est temporel. J'ai expliqué à un moment donné que si on partait de la Terre, qu'on voyageait en ligne droite, à une vitesse, disons, à n'importe quelle vitesse, tout le temps, pour arriver à la limite de notre univers, ben, à un moment donné, on arriverait à la Terre. C'est comme ça qu'est fabriqué l'univers. C'est exactement le même phénomène que si on prend un microscope puis qu'on va voir les atomes qu'il y a dans le verre, puis qu'on continue à grossir, on prend un électron, on se rend compte qu'il est constitué de myriades de petites particules, on grossit encore et on se rend compte que ça ressemble énormément à des galaxies, on grossit encore et puis de coup on décide de prendre une planète, c'est-à-dire un électron, on grossit et on se rend compte que ça ressemble à une planète, on grossit puis là on se voit en train de regarder le microscope. Mais c'est ça. C'est comme ça qu'est bâti l'univers. Alors, Albert Einstein était le premier qui a justement essayé d'expliquer ça à l'humain, mais c'était pas le temps à l'époque. L'humain, enfin, les savants d'époque n'ont pas réussi à englober. Plus les astrophysiciens observent loin, plus sont portés à penser qu'effectivement, à un moment donné, en observant là-bas, ils vont se voir les fesses. De plus en plus. C'est pas encore venu, mais les astrophysiciens commencent, présentement, ils vont écrire des livres, il y en a quelques-uns qui en écrivent, et on peut se rendre compte que ce sont peut-être les plus puissants philosophes qu'on a sur la planète, les astrophysiciens. Alors, à un moment donné, ben, il y a cette création, et puis à un moment donné, ben, il y a quelque part quelque chose qui n'existe pas, mais qui est là. C'est pas localisé, c'est pas temporalisé. Enfin, c'est extrêmement compliqué à expliquer pour la simple raison que chaque fois que l'on prend un mot, le mot a été créé pour définir un contexte sur notre planète Terre, et le mot ne peut donc pas s'adapter à définir quelque chose qui n'est pas, mais qui est là, mais qui n'est pas. Là au-dessus, à un moment donné, c'est fait ramasser par un phénomène extraterrestre, et puis donc par son esprit, puis il a expliqué qu'un jour, l'être humain irait vers le non-faire, le non-agir. Alors, ils ont écrit le Tao, qui est une assez bonne interprétation de ce qui se passe l'autre bord de la création, donc lors de la finalité du retour de l'humanité vers ces phénomènes de création. Mais on va revenir de toute façon au cours de 87. Comment le Christ a-t-il fait pour évoluer et ne pas ressentir l'orgueil en même temps? Bon, ça c'est intéressant. À un moment donné, il y a dans une secte, la secte nazaréenne, qui est une secte essénienne, mais la seule secte qui accepte les femmes, parce qu'à l'époque, la femme, on la considérait comme étant relativement bête de somme. Un peu avant le somme, remarquez. Enfin, et puis, il y avait les Nazarites, il y avait les gentils, il y avait les Nazaréens, il y avait les Esséniens, il y avait les thérapeutes en grec qui étaient reliés à la secte essénienne, qui est une secte égyptienne. Et le Nazaréen, lorsqu'il est venu au monde, il avait un corps physique extrêmement avancé parce que c'est un contact avec un phénomène extraterrestre qui l'a mis au monde. Le Nazaréen, chez Joshua ben Joseph, donc disons Jésus, fils de Joseph, qui à un moment donné va grandir, est un être qui a de l'orgueil, qui a de l'ego. Et au fur et à mesure de son évolution, disons, infantile vers l'adolescence, son corps physique étant extrêmement bien construit au niveau génétique, il va entrer en contact avec les premiers paliers du monde de la mort, et à l'âge de 12 ans, il va donc parler du travail de son père dans le ciel. Continuant à grandir, il a voyagé, il va finir par parler du travail de son père dans les cieux. Les cieux sont les paliers extérieurs au ciel, donc le Dieu du Nazaréen à l'état adulte n'a plus rien à voir avec le père dans le ciel, mais il parle maintenant des cieux. Il y aura trois paliers de cieux, et le plan supramental, donc l'Esprit Saint à l'époque, est le premier palier, celui qui justement est entré d'entrer en contact avec l'humain. Le Nazaréen a donc vécu ses phases, mais il était suffisamment neurologiquement bien bâti, et continuellement, lorsqu'on lui disait « Pourquoi tu ne parles pas? » Il répondait toujours « Mon heure n'est pas venue. » Ce n'est donc pas le temps de commencer, pour la simple raison qu'il savait très bien qu'il n'avait pas encore le contact parfait, donc sa fusion avec son esprit n'était pas complétée. La conférence est terminée, hélas, mais de toute manière, on va parler suffisamment du Nazaréen la semaine prochaine, parce qu'on va parler de Satan, et cela a été le premier à l'affronter convenablement. En attendant, ben, comme j'ai dit la semaine dernière, faites-vous pas enlever. Et puis, là, la semaine prochaine. Merci beaucoup, Daniel.